qui dans à moi, qu'a poulé dans yeux moi. La peine barre la joie, à dans son pied gauche moi. Moi c'est vouloir être, moi c'est que les tchambé. Mais il fallait t'en parler pour qu'on aille. Mais yo peux pas passer ensemble. Pas même en disant, y'a mon niveau posé tête moi. Tant bien gris, on l'est parti. Pas de savoir dans la vie, t'as là, ni des moments tellement raides qui tapaient. C'était tout. J'ai moins bien gris, on l'est trouvé. Sans la main comment c'est coulé, sans la vie comment c'est retourné.